de ces pays. Pris en otage par les gens qui sont contre l'appât du gain. Qui voit bien que l'on se pourrit. Nous, soi-disant, les pays modernes. L'argent. Qui ne pense qu'à se paraître. Il veut en exécuter un. Thank you. sans compter sur ma main. Jamais, jamais.